Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Entrée en prise pour quelques mesures. Ma clique ready, flash, toi, contact, rap, flow, loin de mesure. Authentique pour une danse pure. Une véritable bouffée d'air en plein été. C'est des vrais concerts. Faut dire qu'on a plus le temps de jouer les cahiers de moi. Car mon feron, c'est pas New York, ni pas Miami. Donc, on se bat pour les anciens dans ce qu'on croit. C'est le but de ta ring, on veut le quitter les bras levés. Je suis les pour le fight et rien d'autre. Et tant pis, chante dans blackout, tu es d'une balle, trahi par les nôtres. J'ai toujours été là, garçon. Me fous de porter des Nike ou des baggy, je suis pas de ceux qui montent leurs caleçons. Les boss ben deep hop, des Chippendales, des Ricky Martin qui veulent que je fasse bams. Paraît que les frères se prennent pour 50 cents, mais dans leur poche, et tout juste, ils ont quelques cents. Moi, je suis comme un vida dollar plein de blé. Sur réalise dans chacun de mes couplets. Quand je prends le mic, c'est pas du karaoké, mais pour amener le beat à 1000 karaoké. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Et bon, spera un tala la mueca, soput un poca, un casta moca. Le style pour lequel j'opte n'est pas disséminé. Une simple copie, toujours authentique dans ma manière de faire, je persévère. On a le système actuel, donc on marche. Les clans d'une clique indépendante large. Plein morceau qui va faire chauffer les ondes. Plein morceau qui va purifier les ondes. Ils courent tous après la même chose, la gloire, le succès, la célébrité. Les mains, t'es vu et tout ce qu'on sait. Regarde, ils se vendent. Leur intimité n'a plus de secret. Comme dit l'écriture, on te de dire ce qu'ils font en secret. Super chou. Gâchis, les frères font trop de chichi. Si on les allait de l'enfer et chante, ils auront paradis. Mais ils crèveront ayant au bec cette mélodie. Comme victime d'une divine comédie. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Ebomos. Sha-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la. Buongiorno a tutti, Antonio Pelone della Radio Forza Torino. Riceviamo oggi un gruppo francese venuto specialmente di Francia per parlarci di un problema di società, il culto dell'uomo. Dunque,